Attends. C'est juste pour vous faire plaisir. Bah, par contre, les volumes sont pourris, je suis désolé. Attends. Are you ready, LOL, to play guitar solo? It's easy, very easy to play. Are you ready, LOL? It's not a good tune. Tout le monde est prêt. Je relance à chaque fois. C'est normal, c'est vrai que je relance le truc. Lol. Mais là, je vais faire un solo.